De retour à Futur Simple, c'est François Grégoire qui vous parle. C'est depuis les années 1880, avec les travaux d'Émile Duclos, disciple de Louis Pasteur, que l'on a conscience que c'est de la diversité microbienne qu'origine les centaines de fromages. Depuis, de nombreux scientifiques se penchent sur ce produit laitier coagulé qui fait le bonheur de nombreux amateurs. Alors, pour nous en parler davantage, j'accueille Christiane Dupont. Bonjour Christiane. Bonjour François. Alors, tout le monde connaît le fromage, mais ce n'est pas si simple à définir. En fait, en mots, finalement. Non, c'est vrai, quand on demande qu'est-ce que c'est le fromage, comment on décrirait ça, c'est pas si simple que ça. Alors, le fromage, c'est définition plus ou moins officielle, c'est un produit fermenté ou non, obtenu par la coagulation du lait, de la crème ou d'un mélange de lait et crème, suivi d'un égouttage. Donc, ce qui est important là-dedans, c'est le mot coagulation, c'est vraiment ce qui transforme le lait en une substance solide. Solide. Voilà. Alors, pour coaguler, le lait est d'abord acidifié. C'est ce qui est important, c'est ce qui va rendre le... D'ailleurs, on le sait, quand on met du lait sûr, en fait, dans, du citron dans du lait... Du citron dans du lait, tout de suite, les protéines vont coaguler ensemble, exactement. Et ce qu'on utilise habituellement pour acidifier le lait dans les productions, c'est pas du jus de citron. Quoique ça se pourrait, du vinaigre parfois, c'est surtout une culture bactérienne particulière qui rend le lait acide. Alors, on va commencer avec ça. D'accord. Une enzyme... souvent de la présure. Si on regarde les ingrédients, là, si vous regardez un bloc de parmesan ou de fromage plus industriel, vous allez souvent lire le mot présure. Et qu'est-ce que c'est? Le présure, c'est une genre d'enzyme un peu. C'est une enzyme, c'est une petite molécule qui coupe les protéines. D'accord. Et cette présure-là est ajoutée et l'acidité plus cette présure-là va faire coaguler le lait. Et on va avoir du lait caillé et ce qu'on appelle le petit lait, le petit liquide. Et à partir du lait caillé, on peut faire du fromage. D'accord. Il existe mille et une variétés de fromage. On est tous au courant maintenant. Même au Québec, on a une excellente variété de fromage. Le pourcentage de gras, de sel, de protéines, le traitement du lait. Il y a des fromages crus, il y a des fromages de lait pasteurisé. Le temps de maturation et bien sûr, le type de bactéries. Et c'est ça qui fait une grosse différence. Un fromage bleu, ben, il y a de la moisissure bleue, un cheddar, un parmesan. C'est très, très différent et beaucoup, c'est le type de bactéries. Donc, c'est très, très important. Les moisissures... Il ne faut pas avoir peur du mot, là. Il y a différents types de moisissures, donc certaines sont très bonnes à manger, peuvent être présentes dans la pâte et sur la croûte. Et c'est vraiment deux milieux de vie différents, parce que sur la croûte, ils sont exposés à l'air. À l'oxygène. Donc, ce n'est pas du tout le même métabolisme que les micro-organismes qui sont directement dans la pâte. Alors, tout ça reste invisible à l'œil nu, mais ça grouille de vie dans un fromage. Ça grouille vraiment de vie. Grosso modo, on retrouve des bactéries, des levures et des champignons. Bon, naturellement, pas des gros champignons, mais des petits. Et ça fait souvent peur quand on entend ça, mais la plupart des micro-organismes sont inoffensifs, voire très bons pour la santé. Il ne faut jamais oublier ça. On est recouvert, on est rempli de micro-organismes. Oui, hein? Ça fait... Bon, alors, ils vivent dans une micro-société. Chacun fait son travail, mais c'est un équilibre fragile. Hein? C'est comme une communauté. C'est toujours un équilibre précaire entre la coopération ou la compétition. Okay. Donc, moi, je veux faire ce travail-là. Moi, j'ai besoin de tel élément nutritif dans le lait, mais moi, j'aime mieux quand il fait chaud, moi, quand il fait froid, quand il fait sec. Donc, selon les conditions, il y en a plus qui vont se développer, puis d'autres moins, c'est ça? Oui, voilà. Donc, c'est très important pour les fabricants de fromage. Les conditions sont très, très, très contrôlées au degré près. Tout est mesuré, il n'y a rien au hasard. Il y a une chercheure de l'Institut national de recherche agroalimentaire en France, qui est reconnue, Marie-Christine Montel, qui étudie le fromage depuis toujours, et elle, je trouve qu'elle résume bien, entre guillemets, le fromage est ainsi le fruit de la digestion réalisée par les microbes qui s'invitent à la table du lait. Et ils sont nombreux. Donc, vraiment, on voit des microbes avec une bavette, des ustensiles assis à une table. Qui part, qui commence, qui mange quoi. Donc, et quel est le rôle, en fait, de tous ces microbes? Ils ont plusieurs rôles. Et puis, ça fait longtemps que c'est étudié, mais bon, avec les techniques aujourd'hui, c'est plus simple de savoir un peu ce qui se passe. Il y a un ordre chronologique aussi. Quand on fabrique du fromage, il y a certaines bactéries qu'on appelle des ferments lactiques, sans aller plus loin dans les détails, agissent très rapidement. C'est les premiers qu'on met et ça acidifie le lait, comme j'expliquais antérieurement. Et il y a d'autres bactéries qui agissent plus lentement, qui vont dégrader les protéines, les acides gras du lait. Ça, c'est plus lent, mais c'est ce qui aide à développer tout l'arôme. Quand on mange un fromage, il y a un goût qui nous surprend au début et avec le temps, on avale, ça peut rester un arrière-goût très longtemps en bouche après. Donc, il y a vraiment une flore qui joue à différentes chronologies. Le temps où elles agissent est très différent. Et puis, voilà, donc c'est vraiment intéressant à ce niveau-là également. Et qu'est-ce qui fait que, en fait, c'est telle bactérie et non telle autre qui décide de s'installer dans un fromage, ouais. ou plutôt le lait qui deviendra un fromage? Bien, il y a tellement de facteurs. C'est très, très... Tout est un facteur à la limite. L'animal en tant que tel, la vache, qu'est-ce qu'elle avait dans son intestin à l'origine? Est-elle en santé? Le lait, bon. La ferme, elle est où? Il y a telle sorte de paille, alimentation. Les conditions de production de A à Z, comme j'ai traité un petit peu. La cave où les fromages maturent, la région, le climat, l'humidité, tout entre en ligne de compte. Donc, c'est difficile de mettre le doigt sur un facteur. D'ailleurs, en France... Oui. Donc, j'allais dire, la qualité du lait, finalement, est très importante. Oui, la qualité du lait est très importante. Donc, où l'animal vit, c'est... Parce qu'il y a un de mes amis, l'autre fois, qui a apporté du lait, de lait du Prince-Édouard. Okay. Et ça te goûtait tellement différent du lait qu'on avait ici. Ça goûtait l'herbe. Ben oui, probablement, parce que l'alimentation de la vache, ça change tout pour la production de son lait. C'était très bon, là. Ben ça doit. Donc, on s'entend que le fromage, ça a un impact direct sur le goût du fromage et ce qui va vivre dedans. C'est un fait, hein? Oui. D'ailleurs, en France, il y a ce qu'on appelle... l'appellation d'origine contrôlée pour protéger tous les fromages. Et puis, un peu comme les vins, quoi. Oui, comme les vins. Donc, ça garantit aussi la souche bactérienne, hein, parce que chaque fromage a donc le Comté, le Beaufort, le Camembert, le Roquefort, Reblochon, ont tous une étiquette avec un type de mélange de bactéries. Hein, OK. Et on essaie toujours que ce soit reproductif, oui. j'imagine. Oui. Donc, on garde toujours à peu près les mêmes conditions. Oui. Et puis souvent, c'est pour ça qu'on parle d'une région également, parce qu'il y a un climat qui va avec ça. Une alimentation aussi spécifique. Oui. En fait, et comment fait-on pour connaître ce qui habite dans un fromage? Bien, avant, c'était plus difficile, mais bon, depuis plusieurs années maintenant, et avec toutes les techniques de séquençage d'ADN, c'est quand même plus simple. Donc, il y a deux grandes techniques. C'est la culture in vitro. Donc, littéralement, faire pousser dans un milieu... plus contrôlé, les différentes souches de micro-organismes qui poussent sur le fromage. Donc, on les regarde individuellement au lieu de voir toujours tout ça mélangé. Et le séquençage d'ADN, évidemment. Mais c'est un défi de savoir qui fait quoi, parce que c'est vraiment pas évident. D'ailleurs, maintenant, on peut même savoir, par rapport à ce que tu viens de dire, avec les méthodes de séquençage d'ADN et tout ça, qu'est-ce que la vache a mangé? Est-ce qu'elle a mangé de l'herbe ou du maïs? Ou on peut remonter jusque-là là, en regardant le fromage. Donc, c'est très intéressant. D'ailleurs, il y a un musée en France, entre guillemets, du patrimoine microbien des fromages, où on conserve tous les consortiums, entre guillemets, qui forment les fromages. Donc, voilà. Alors, on se souvient de tout, le tohu sur la contamination par la bactérie Listeria de certains fromages au Québec en 2008. Oui, oui, oui. Est-ce qu'une meilleure désinfection est nécessaire? Est-ce que ça prend plus de rigueur? Ben voilà, la réponse, sans être une experte là-dedans, tend à être non. Parce que on se souvient, il y avait des tonnes de fromages qui avaient été jetés de petits producteurs. Ça avait été très difficile financièrement. On avait eu l'impression qu'on avait jeté le fromage avec l'eau du lait. Avec l'eau de macération. Oui, c'est ça. Oui, parce que, bon, dans le lait cru, il y a quatre types de microflores, globalement. Il y a la microflore utile, qui aide à faire le fromage en tant que tel. Il y a les indésirables, qui impliquent certains coliformes. Okay. Bon. Ça, on n'en souhaite pas, évidemment. Non, évidemment, mais il y a les possiblement pathogènes, qui sont une autre catégorie. Listeria, Salmonella, bon, tout ça. Et une quatrième classe qu'on est souvent incertain, qui est peut-être neutre par rapport à nous. Mais comment, en fait, c'est... surtout ceux qui sont indésirables, comment est-ce qu'ils s'insèrent? Ben, c'est justement, j'y viens là dans un instant. Souvent, c'est vu que c'est désinfecté, ils ont comme le champ libre pour se multiplier en beaucoup plus grande quantité. Okay. Si c'est déjà, ils n'ont plus de compétition. Oui, voilà. Si déjà tout est occupé, puis il y a déjà beaucoup de diversité, la Listeria, elle n'a pas de la place pour s'étendre et dominer le monde, entre guillemets. Alors, la même chercheure dont je parlais tantôt, Marie-Christine Montel de l'INRA, avait étudié la couche protectrice d'un certain fromage français, le Saint-Nectaire. Et puis, il y a plusieurs étapes. On fabrique le lait, on fait saler les tomes, on les presse 24 heures, on les met une semaine dans la chambre froide, affiné 4 semaines, bon, blablabla. Et subséquemment, il y a une croûte qui se fait. Et c'est là-dessus que Listeria pourrait s'installer, par exemple. Okay. Mais c'est très rare parce que les barrières biologiques sont très efficaces. La biodiversité est vraiment un élément qui protège. Donc, plus il y a de micro-organismes, mieux c'est. Ah oui, c'est vrai. Ouais, parce que... Listeria s'installe mieux sur du lait qui est pasteurisé, justement parce qu'il n'y a personne pour l'en empêcher. Ah, elle peut se reproduire en grande concentration. Elle a le champ libre, entre guillemets. OK. Donc, d'ailleurs, cette... Donc, c'est trop stérile. Là. C'est trop stérile. Faut faire attention. Évidemment, il faut avoir des normes très... malgré, avec une biodiversité, tu as garanti pas à 100%. Mais... les fromages industriels, souvent, qui sont à la limite pas du vrai fromage, là, des fois. Comme, ben, comme le Kraft, peut-être. Là. Peut-être. ben, c'est, ils ont le champ. C'est vivant, ça, comme... Je le sais pas, mais c'est un du cheese whiz, là. Je pense pas que c'est du vrai fromage. Un peu de plastique, comme oui, ça. Et puis, la même chercheure, Marie-Christine Montel, a d'ailleurs isolé 34 communautés bactériennes différentes sur la croûte du fromage. OK. Et 10 communautés sur 34 inhibaient fortement l'hystéria. Donc, c'est une communauté qui est efficace à inhiber, pas juste un micro-organisme, okay, mais vraiment toute une famille. Et puis, la communauté la plus protectrice représentait une des plus grandes diversités. Donc, c'est une des études. Donc, la morale de l'histoire étant que c'est pas en désinfectant deux fois plus qu'on va pouvoir régler tous ces problèmes-là. C'est, imagine, avec un peu d'intelligence et utiliser la biodiversité à bon escient. Alors, il faut croire que même chez les bactéries, l'ion fait la force pour s'opposer à l'hystéria. Oui. Alors, merci, Christian. Ça fait plaisir. En fait, nous espérons que toute cette flore bactérienne sur le fromage ne rebute pas les auditeurs de manger du fromage. Non, au contraire, c'est tellement bon, il faut en profiter. C'est magnifique.